J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Nous sommes dans l'épisode 2 de la saison 2 et je suis entouré d'une équipe magnifique et prestigieuse. On va commencer par les filles parce que s'il y a une fille cette fois, salut Faye. Bonjour James, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va ? Oui, ça va, et toi ? Oui, ça va, ça va. On passe à côté de toi, il y a Romain, salut Romain. Salut. Petit retour de vacances, parce que la semaine dernière t'étais pas là. C'est difficile. C'est difficile ? Ah, il y a trop de trucs à lire, c'est trop compliqué. Ok. Juni. Yes. Ça va ? Ça va. T'as fini Wakfu, c'est bon ? Non, enfin cette semaine, ouais, samedi et dimanche, c'est le dernier épisode, je suis en manque. Ce sera la seule mention à Wakfu dans cette émission. On passera à côté de toi, il y a Mathieu, salut Mathieu. Salut, salut à tous. Ça va ? Ouais, bien, et vous ? Tranquille. Lundi ? Bon, lundi, ouais. Et à côté de toi, il y a Jordan, et on aura fait le tour de la table. Salut. Ça va ? Bah oui, aussi. Ok. Le programme de l'émission, on va commencer par des toutes petites news. Après, on a une petite interview d'un monsieur qui organise la Comic-Con, le festival dont vous a déjà parlé pas mal de fois à la radio. Donc on va vous parler de ça. Après, Juni nous fait une rubrique qui n'a pas de nom, donc ce sera la rubrique sans nom de Juni. Et après la première pause musicale, on fera la petite review de Giant Days qui est sortie il y a un petit moment chez Aquileos. Il y a le tome 2 qui sort dans pas longtemps, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et voilà, ce sera le programme de l'émission et on va partir sur les news. La première news, c'est une news un peu triste puisqu'on a appris que ce week-end nous avait quitté une des grandes plumes de l'industrie du comics, le fameux scénariste. C'est le moment où je me demande comment prononcer son nom. On va le dire, Len Wein. Voilà, merci. Alors, à qui on doit beaucoup de personnages cultes chez DC et chez Marvel, qui s'est éteint à l'âge de 69 ans. Alors, on lui doit la création de Swamp Thing, de Starfire, mais c'est aussi le papa, je pense que c'est pourquoi il va rentrer dans la postérité, de la deuxième équipe des X-Men, composée de Wolverine, Colossus, Diablo, Tornade et compagnie. Donc, Malicia. Oui, Malicia. Donc c'est lui qui a créé cette équipe, après ça a été repris par Byrne plus tard. Et on lui, en plus de son travail de scénariste, il était éditeur. Et c'est à ce monsieur qu'on doit le Teen Titan de Wolfman et Perez et Watchmen de Alan Moore et de Dave Gibbons. Deux titres qui apparemment, selon une anecdote, DC ne voulait pas. Et c'est monsieur Len Wein qui avait dit à DC, non, je l'ai fait, je m'en fous. Et c'est grâce à lui qu'on a eu ces deux titres très très... très très connu et très très culte. Est-ce que vous avez un petit truc à dire ? Non, vous allez me regarder sans... Oui, oui, on aime bien avoir un... Ouais. Voir que tu patauges. Non, il est bien son CV à monsieur, nouvelle équipe des X-Men, Swamp Thing, Watchmen, c'est bien quand même. Ouais. Starfire s'est éteint, c'est ça ? Ouais. C'est triste. Et oui, c'est triste. Puis si on retombe sur la théorie comme quoi Stan Lee absorbe l'énergie des gens de chez Marvel, Stan Lee sera encore là en fin d'année. Ok. On continue sur ça. On va passer à un truc un peu plus où je fais le signe alors qu'il n'y a pas de. On avait dit qu'il n'y avait pas de virgule. C'est pas grave. Donc. Tintin. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Donc une news un peu plus sympathique. Je ne sais pas si vous avez aimé. Je sais que notre ami Mathieu est fan de la série Preacher et notamment du duo Evan Goldberg et Seth Rogen. Je ne sais pas. Est-ce que tu aimes leur film de base? Ou c'est que la série qu'ils ont fait quoi ? Ils ont fait... Non, de la merde ? Pas vu. Non, ils ont fait Anana Express, enfin Pineapple Express. Bah de la merde, tu vois. Merde, jusqu'à la fin du monde, tous les comédies un peu potaches avec Seth Rogen. Et... Ah, si, ouais, celui il tente de violer Hermione. Ouais, voilà. Ouais, c'était marrant ça, si. Oui, c'était bien. Ouais, donc voilà. Donc ces deux personnes qui ont fait la série Preacher, que beaucoup de monde autour de la table aime, à part, je crois que... Jordan n'est pas très fan. Je suis pas fan de la série, mais je suis fan du comics. Oui, mais là on parle de la série. Voilà, oui. Et donc ces deux personnes vont être à la tête d'une nouvelle série. Cette fois c'est un comics de Garth Ennis, c'est The Boys, et ça a été racheté par Amazon. Ça devait passer à la base sur Cinemax, mais là ça passera sur un Amazon, et c'est une plutôt bonne nouvelle parce que The Boys c'est un comics assez badass et assez violent, et je pense que chez Amazon ils auront, comme c'est plus pour public averti, je pense qu'ils auront plus de largesse pour pouvoir faire ils savent faire. On voit après American Gods, il y a Good Omens aussi qui va arriver chez Amazon. On voit qu'ils savent faire les trucs un peu trash. Et... Là, par contre, The Boys, va falloir faire un peu plus qu'un peu trash. Alors, c'est pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est The Boys, c'est, ça parle de Billy Butcher et de ses boys, qui sont une espèce d'équipe qui travaille pour réguler et surveiller des personnes qui auraient des pouvoirs. Et c'est dans un monde un peu cynique, un peu gore, où les gens qui ont des pouvoirs, les super-héros, sont des connards finis. C'est des gros dégueulasses qui utilisent leur pouvoir pour faire n'importe quoi. C'est une énorme parodie des super-héros EDC et Marvel qui en prennent plein la gueule pendant tout le comics. Et c'est vraiment crade, hein, c'est cul, c'est sang, c'est juste immonde. Moi j'avais lu, je trouve un petit côté Mark Millar, un peu provoque gratuite et... Dans un premier temps, oui. Après, le comics finit par avoir sa propre identité et par voler un peu de ses ailes. Mais au début, oui. C'est Garth Ennis qui sont. C'est très très drôle s'amusent de voir avec le genre super-héroïque. Oui, de voir des avatars de Superman et Wonder Woman qui sont juste ignobles. Mais effectivement, à un moment donné, si toi tu avais des super pouvoirs et tu pouvais faire ce que tu voulais, est-ce que vraiment tu te promenais en slip pour aller sauver la moitié de la planète, ou est-ce que tu profiterais pour faire autre chose? Mais bon, du coup, la vraie question, c'est est-ce que Simone Pegg va jouer dedans? Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a un des personnages qui a été designé avec le visage de Simon Pegg. Ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Après, peut-être qu'il va coûter cher un peu, je ne sais pas. Oh, il fera ça pour deux bières, c'est vraiment bien. D'accord. C'est toi qui... T'es son manager? Oui, bon, ça arrangera, ouais. Tu signes les contrats, ok. Je vais prendre les bières, déjà, on verra après. D'accord. Est-ce que autour de la table, ça vous hype un peu? Oui, on va jeter un œil quand même, effectivement. Ouais, c'est vrai que Preacher est déjà assez édulcoré. Je pense pas qu'ils arrivent au niveau de trashitude qu'il y a dans le comics, parce que c'est vraiment hardcore, mais bon, bien sûr, on va jeter un œil, ouais. Ok, Faye. Moi j'ai rien contre le trash, le gore, je m'en fiche, mais il faut que ça soit fait intelligemment. Si c'est juste pour mettre des trucs pour choquer en pensant gratuitement que c'est ça qui va ramener du public et qu'il n'y a rien derrière, bah je vois pas l'intérêt. Donc il faut un peu qu'il fasse gaffe, quoi. Bah, qu'il tombe pas dans la surenchère gratuite et qui correspondra pas à l'œuvre de base, quoi. Moi souvent The Boys, quand j'ai lu, c'était vraiment au regard d'autres choses. Donc là effectivement je suis un peu d'accord avec Faye sur le fait que si jamais je réfléchis, je vois pas trop comment est-ce que tu pourrais adapter ça vraiment sans faire du gratos à un moment donné. Et je sais pas si ça va vraiment être intéressant d'adapter ce truc là, mais c'est vrai que quand tu le lis par rapport à d'autres trucs, c'est quand même super drôle, quoi. Mais voilà, c'est par rapport à d'autres trucs. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui veut réagir encore? Non, bon, on va passer à la prochaine news, et ce sera la dernière. Je fais encore mon signe pour la virgule alors qu'il n'y a pas de virgule. Ta-ta-ta. Merci, merci Romain. Quel lèche-cul quand même. Je l'enregistrais, mon truc. Moi je voulais dire que Hell's Kitchen allait bientôt débarquer sur les ondes hertziennes, puisque si vous n'avez pas eu la chance de voir la série de Drew Goddard, Daredevil, anciennement Drew Goddard, je crois qu'il a fait que la saison 1. Alors Drew Goddard était normalement censé être le showrunner, mais finalement il l'avait quitté et il est resté à la production. Ok. Il est toujours créateur en tout cas. Oui, mais c'est un homme très bien. Voilà. Oui, exactement. Donc la série de Drew Goddard, Daredevil, de Netflix, que je pense, selon moi, ce n'est que mon avis, je pense que c'est la meilleure série super-héroïque. Avec Legend of Tomorrow. Non. Ça va, c'est non. Bon, on peut rigoler. Je trouve que Daredevil est plus drôle que Legend of Tomorrow. Il y a plus d'humour. Ouais, c'est mieux fait, ouais. C'est un peu mieux écrit peut-être, oui. Donc si vous avez pas eu la chance de l'avoir sur Netflix ou via votre oncle d'Amérique qui vous envoie ses cassettes. Oui, ouais. Oncle d'Amérique. D'où il sort ça? Non, c'est une private joke avec Faye. C'est une vieille expression dans les années 90 pour dire quand on arrive à choper des trucs façon pirate. Voilà. Voilà, TMC, la chaîne de la TNT, la 10e chaîne de la TNT, va diffuser en prime time la série Daredevil. Et donc, on n'a pas encore la date de diffusion, mais ce sera avant la fin de l'année et ce sera en prime time. Donc, moi je trouvais que c'était intéressant pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voir la série. Allez-y, jetez un. Ouais, TMC ils font beaucoup ça, c'est eux qui avaient diffusé Gotham aussi, des trucs comme ça. Ils vont diffuser Marseille aussi, mais c'est un autre. J'ai pris Netflix pour Marseille. Ah, t'as pris... Pour ne pas le regarder. Ah, d'accord. Tu as bien fait parce que c'est pas génial. Donc voilà, j'en ai fini avec mes news. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur Daredevil? C'est plutôt bien, ça va ouvrir l'audience à d'autres personnes. Et puis ça va te faire rentrer 3 sous chez Netflix pour pouvoir faire le reste. C'est cool. Ok. Et ben on va passer à l'interview. Est-ce que nous avons Romuald au téléphone? Bonsoir. Salut, est-ce que ça va? Salut. Ça va, et vous? Oui, ça va. Donc, on t'a appelé pour parler de la Comic-Con. Je vais peut-être rappeler vite fait ce qu'est la Comic-Con avant que tu la présentes. Donc, c'est un festival lyonnais sur le comics, organisé par l'association BD Ciné Goodies, se dérouler le 16 et le 17 septembre 2017, donc ce week-end, à l'espace citoyen de la mairie du 8e à Lyon. Et l'entrée est à 5 euros et donne accès à tout conférences et expositions et convention. Je crois c'est que j'ai tout bon. Ça se dit. Ok. Bah, est-ce que tu peux nous présenter un peu la Comic-Con, l'esprit de la Comic-Con, tout ça? Alors déjà, la Comic-Con, c'est la 4e édition. On a fait les 3 premières éditions en partenariat avec le Lyon BD Festival. Donc ça se déroulait pendant le Lyon BD Festival. Ils nous avaient mis à disposition un lieu. Après 3 ans de collaboration, donc on a pris notre indépendance. Pour réaliser donc cette 4e édition à l'espace citoyen de la mairie du 8e en totale indépendance qu'on organise de A à Z avec toutes les contraintes que cela peut amener et toutes les joies aussi. Ok, donc c'est la première édition sans Lyon BD Festival, c'est ça? C'est ça, on travaille encore avec eux, ils nous prêtent une exposition qui était déjà visible l'année dernière. Ouais. sur l'histoire de Lugues. Ok. Ancrée à Lyon, qui était visible l'année dernière, et donc là il nous la reprête cette année pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de la découvrir. Okay, super. Voilà. Et c'est pas un divorce qu'il y a eu entre Lyon BD et BD Ciné Goodies. C'est juste chacun de notre côté, on continue nos activités. C'est le Comic-Con qui grandit et qui marche de ses propres ailes. C'est ça. Et maintenant on marche. Ok. Qu'est-ce qui vous différencie des autres conventions françaises? Différencie, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de conventions. Chacune est unique. Hein, ses propres ambitions et ses propres objectifs. Ouais. Nous, on est une association, on est donc la Comic-Con est organisée par l'association BD Ciné Goodies. Donc c'est une convention entièrement bénévole. Ouais. On organise ça sur notre temps libre parce qu'on s'est dit pourquoi pas, tiens, pourquoi pas partager. Donc on est une convention associative, donc avec des moyens associatifs. Ok. On a des petits moyens, on essaye de faire à notre niveau. Donc on cherche pas à se comparer avec les grosses conventions que peuvent être la Comic Con et la Paris Comics Expo. Chacun fait à son échelle, avec ses propres envies. Donc nous, sans prétention, on fait notre petite convention axée 100% BD, parce que ce qui nous plaît, c'est la BD, c'est les comics, avant toute chose. Non pas que ce que font les autres, c'est pas bien, c'est juste la vision que nous, on a voulu donner à la Comic Con. Ok. Alors un des trucs, je pense, principal de l'événement, c'est avec les artistes, et j'aimerais savoir, enfin, est-ce que tu peux nous donner les artistes qu'on verra cette année, s'il y a 2-3 noms Bah les artistes, on a une trentaine d'artistes, donc que ce soit des invités comme Augustin Padilla, Pierre Pérez, Paul Renault qui nous fait le plaisir de revenir, Alberto Albuquerque qui était déjà là l'année dernière et qui avait envie de revenir, Daniel Acuna qui malheureusement avait dû annuler l'année dernière. Le rendez-vous était pris, on est resté en contact et il est enchanté d'enfin pouvoir venir en France pour faire une convention. On aura Xavier Fournier qui fera également des conférences. Après, on a une liste d'une trentaine d'invités, autant des artistes internationaux que des artistes sur notre artiste clé. Même si on n'a pas voulu faire de différence entre ceux qu'on invite et les artistes invités, ce sont tous des artistes qui seront à la Comic-Con. Il n'y a pas de petits artistes et de grands artistes. Ok. Est-ce que tu as un petit chouchou dans la liste? Ouais, j'ai un petit chouchou. En plus, c'est quelqu'un qui est de Montpellier, c'est John Lancry. Ok. Qui avait réalisé l'affiche teaser. Il est un artiste que j'apprécie énormément et que l'homme aussi est quelqu'un de génial. Donc c'est voilà, moi c'est mon petit chouchou et je suis bien content qu'on ait pu collaborer ensemble pour qu'il puisse faire cette affiche teaser de la Trinité qui vole au-dessus de Lyon. Ok. Et quelles sont les nouveautés de cette année, les événements qu'il faudra pas rater ce week-end ? Bah, en 2017, il semblait difficile de ne pas passer à côté du centenaire de naissance de Jack Kirby. Ouais. Donc on a essayé d'axer la programmation artistique autour de cela. Donc on a pas mal, avec Kirby & Me, donc de Comics Initiative, qui ont réalisé un super bouquin. Depuis plusieurs mois, on a travaillé. Avant même qu'ils sortent le bouquin, moi, je suis allé les voir. Je leur ai dit, j'ai envie de faire une expo. J'ai envie de donner une dimension supplémentaire à votre projet. Donc on a monté une exposition qui reprend du contenu du bouquin, mais vraiment pour donner envie aux gens de découvrir l'œuvre de Kirby, de découvrir l'homme qu'il était, donc à travers ce bouquin hommage Kirby and Me de Comics Initiative. On aura donc des conférences qui tourneront autour de Kirby. De Kirby, pas uniquement, mais on en aura certaines comme Machine Man, qui sera un personnage emblématique tenu par la conférence sera tenue par Xavier Lanciel du fan du Prozine Scarce. Ouais. Xavier Fournier parlera de Kirby et de la science-fiction. L'équipe de DC Planet nous parlera, par exemple, de l'anniversaire en 3 temps chez DC Comics de Jack Kirby. Donc on a vraiment voulu axer au maximum sur Jack Kirby parce que c'est qu'il le mérite, parce que c'est important de montrer aux gens l'apport qu'il a eu dans le comics qu'on lit aujourd'hui. Et vu que notre convention, elle est faite pour les fans. Ouais. Pour ceux qui s'y connaissent, mais on veut aussi intéresser le public. On s'est rendu compte que les 3 premières années, on avait un public assez familial qui ne connaissait pas forcément, qui n'avait pas l'habitude de des conventions type comics américaines. Pour eux, c'est le festival BD. Donc il y a quand même une approche un peu différente. Donc on a un public familial et on voulait leur apporter cet aspect-là aussi de découverte. Faire découvrir Kirby au grand public, en fait. C'est ça. C'est, on ne veut pas s'axer que sur le fan hardcore. On a essayé de tabler vraiment sur tout type de public. Ok. J'ai entendu aussi que vous aviez des vidéastes qui allaient faire deux conférences, je crois. Oui, l'équipe de lescomics.fr. Donc, je travaille beaucoup avec Matt, qui est membre de l'association BD Ciné Goodies. Okay. Et donc, ils vont tenir 2 conférences. Une sur les adaptations de comics doivent être fidèles et jusqu'où. Jusqu'où l'adaptation dans un nouveau médium doit être différente. Ouais. Et également une conférence sur les relaunchs, qu'on en parle souvent. Il y a beaucoup de relaunchs par les éditeurs. Ouais, ouais. Pourquoi il y en a? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Et pour cela, il y aura l'intervention de Kader Shaibi, qui tient la boutique Comic Zone à Lyon, et également de Paul Renaud, pour avoir des points de vue de différents acteurs du milieu. Pas uniquement de notre point de vue de lecteur, mais d'un libraire et d'un dessinateur, en quoi eux, ça les impacte. Ok, c'est cool. Et est-ce que tu as des conseils? Tu parlais de grand public. Est-ce que tu as des conseils pour les grands publics qui voudraient venir à la convention, des petits tips de festivaliers? Venez découvrir, hein, l'entrée à 5€ est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc on a voulu un tarif accessible. Notre but, de toute façon, c'est pas de se faire de l'argent. Hein, tout l'argent qu'on pourrait se faire servira déjà à ce que ça ne vienne pas trop de notre poche. Et si par le plus grand des hasards on a un excédent, ça servira pour l'organisation de l'année prochaine. Okay. Parce qu'on a déjà travaillé sur l'année prochaine. C'est de venir découvrir, c'est ne pas avoir d'a priori. Les artistes sont des gens accessibles qui ont envie de partager avec leur public. Moi, de mes échanges avec les artistes, c'est vraiment ce qu'ils retiennent. Ils veulent découvrir les gens, ils veulent découvrir leur public en France aussi, pour les internationaux. Ils viennent pas là pour faire des dessins et juste faire des dessins. Ils sont là pour échanger. Et ils veulent échanger tout autant que le public. Donc il faut pas avoir peur, il faut aller leur parler, il faut aller s'intéresser à leur travail, Voilà, c'est vraiment la curiosité que je vous donnerai comme conseil, c'est d'être curieux. Ok, bah c'est un très bon conseil. Moi, pour finir, je tenais à dire que on a fait, je crois que c'est l'édition 2015 ou 2014, je ne sais plus. Et que je conseille vraiment la Comic Con parce que c'est vraiment une convention très très cool. Plus format, moi je dirais familial et vraiment pour les passionnés, plus que sur un peu les conventions que vous avez en province, qui sont un peu des gros carrefours avec plein de stands. Mercantile. Ouais, voilà. Et donc vraiment je conseille, si vous êtes vers Lyon, allez-y parce que c'est vraiment très très cool comme. Ça permet aussi de rencontrer justement pas que les artistes mais aussi d'autres passionnés, ouais. Pourquoi pas se faire des petits groupes après, enfin des fois c'est difficile de trouver d'autres passionnés de BD américaine dans sa ville ou dans les alentours, donc c'est pas mal ce genre de convention. Ouais. Et cette année en plus la tireuse marchera, donc on pourrait parler avec des gens autour d'une bière. Il fallait commencer par là, c'est quand? Donc, je dis ça parce que les autres années, on a chaque fois eu une poisse avec la tireuse. On avait eu la poisse à chaque fois avec la location, donc là cette fois, c'est bon. C'est assuré, donc. Ok. Est-ce que autour de table, vous avez des questions ou Est-ce qu'il y a des éditeurs français qui vous filent un coup de main ou vous êtes totalement indépendant par rapport à ça? Nous, on est indépendants. Hein. On travaille avec les éditeurs en France pour le Free Comic Book Day, vu que c'est aussi l'association BD Ciné Bouddhiste qui organise le Free Comic Book Day France. Donc toute la relation entre les éditeurs, les libraires et les distributeurs, c'est nous qui organisons cela. Donc on est en relation avec eux. Il y a Bliss Comics qui était là l'année dernière, qui malheureusement ne peut pas être présente physiquement cette année. Mais sera représenté par la boutique Comic Zone et qui invite Pera Pérez et Trevor Hersin. Donc on travaille avec Bliss. Après on est une petite convention, donc pour les plus gros éditeurs c'est plus difficile de se faire entendre, c'est normal. Mais justement on en profite pour travailler avec les petits éditeurs. Certains avec pendant plusieurs mois on essayait d'avancer, malheureusement ça n'a pas pu se faire. Je pense à Delirium qui publie les écrits dans Dread, les archives de Dread entre autres, que j'aurais vraiment aimé qu'ils soient présents chez nous. Après on aura North Star Comics en petit éditeur, ouais. Qui sera présent avec une flopée d'artistes. On aura l'association Philactère qui fait de l'édition aussi. Donc voilà, justement, j'en reviens à la curiosité que donc, j'appelle le public, c'est de découvrir ce genre de petits éditeurs, ces petites structures qui justement ont besoin de cette visibilité qui n'ont pas forcément au quotidien. Et ces conventions, c'est vraiment leur publicité principale. Donc on veut travailler au maximum avec les petites structures pour les mettre en avant. Ok, bah c'est cool. Bah merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, sachez que la semaine prochaine, vu que nous on pouvait pas y aller pour une question d'emploi du temps. Mais Max, que vous avez déjà entendu dans l'émission, va y être et va nous faire une petite review la semaine prochaine de la Comic Con. Donc voilà. Petit report du truc. Merci beaucoup Romuald. Mais de rien. Et puis bonne soirée. Ouais, bon courage, bonne chance. Bonne soirée, bonne fin d'émission. Merci, bye. Et on va enchaîner avec la chronique de Juni. Yep. Je suppose que finalement le nom ce serait Galerie des Curiosités. D'accord. Donc, il a un nom au moment de la chronique. Bah, le truc c'est que j'arrive pas à trouver un nom particulier. Le concept c'est. Lorsque j'ai commencé à lire des BD, le truc qui me plaisait le plus finalement c'est tous les trucs un peu étranges, un peu bizarres que généralement les films avaient tendance à cacher ou pas pouvoir faire parce que budget ou juste c'est trop bizarre. Et donc je me suis dit je vais faire une rubrique sur tous les personnages un peu étranges que j'aime bien et qu'on voit assez peu. Et étant donné que la semaine dernière on a parlé de Kirby, j'ai pris un personnage de Kirby et c'est pas ça qui manque niveau personnage un peu étrange. J'ai ce gars, il a fait un fœtus qui tue des gens dans l'espace. Et je crois que c'est un des trucs les plus malsains. Et du coup j'ai pris un personnage qui s'appelle Fin Feng Foom, qui est apparu en 1961 dans Strange Tales numéro 89. Et il fait partie de ces personnages qui ont été créés juste pour une histoire. Et à l'époque, il y en avait beaucoup des personnages comme ça. Et la force de Kirby, justement, c'est qu'il crée des nouveaux persos, soit il prenait des persos faits par d'autres gens. Et là, en l'occurrence, il a créé un personnage pour une histoire qui ensuite a été réutilisé par Marvel pour plein d'autres trucs. Et à l'époque où il a été créé, c'était juste un dragon en Chine. Il y a un étudiant chinois qui est fâché contre l'armée. Du coup, il invoque cet énorme dragon qui sort d'une montagne et qui fout la merde. Et de là, en fait, l'univers Marvel a créé toute une mythologie autour du gars. Et maintenant, c'est pas juste un dragon, c'est un alien de la race des McLuhan et qui vient de la planète. Attends, parce qu'il faut que je le lise. La planète Kakaranatara. Et dont le nom signifie celui dont les membres brisent les montagnes et dont le dos gratte le ciel. Et en gros, c'est un énorme lézard vert extrêmement intelligent. Il porte un caleçon violet comme Hulk. Et il vient d'une planète alien où tous les gens de sa race étaient devenus extrêmement pacifistes. Et lui, par contre, fait partie d'un groupe de petits péteux. Apparemment, il est même pas adulte. Et ils se sont dit, on va se casser de notre planète, on va prendre un vaisseau spatial, on va aller sur une planète où les gens sont tous arriérés et on va les conquérir. Le problème, c'est que manque de bol, une fois arrivés sur la Terre, ils se sont fait poutrer, il reste plus que lui. Et depuis, en fait, il a des petites apparitions, dans différentes histoires, et souvent, c'est des trucs en rapport avec la fantasy ou la science-fiction. Donc, pour vous donner une idée, il a affronté Thor, ou son vaisseau, et les anneaux qu'il y avait à l'intérieur, 10 anneaux qui ont fini dans les mains du mandarin. Et c'est avec ça, en fait, qu'il utilise ses fameux pouvoirs de contrôle des éléments, qu'il a augmenté sa technologie, etc. Et du coup, donc au-delà du fait que c'est un gros lézard, il a des pouvoirs genre force, vol, régénération, souffle acide et télépathie. Et récemment, en lisant justement l'un des deux bouquins que je vais conseiller, j'ai appris qu'il était capable de faire des gosses, apparemment tout seul. Et donc les deux bouquins que j'ai choisis pour recommander un peu aux gens qui voudraient un peu s'amuser, c'est le premier, c'est Next Wave, qui a été fait par Warren Ellis et dessiné par Stuart Immonen. Le concept de Next Wave, c'est une sorte de pastiche de l'univers Marvel en général. C'est plein de super-héros, enfin un groupe de personnages pas connus du tout. Il y a une Captain Marvel qui est noire et que même moi je connaissais pas à l'époque. Elle s'appelle Monica Rambeau et il y a un espèce de cyborg et une Britannique qui chasse des monstres façon un peu Van Helsing sur les bords. Et ils affrontent une sorte de Shield, mais au lieu de s'appeler Shield, il s'appelle Hate, qui veut dire haine. Et leur boss est une espèce de Nick Fury haineux, effectivement. Et leur aventure, en fait, c'est que des parodies de l'univers Marvel en général, à coup d'affronter des koalas mutants. Et justement, Fin Fang Foom, à un moment, qui est le premier ennemi d'ailleurs. Et c'est absolument génial. C'est, pour ceux qui connaissent, ou même pour ceux qui connaissent pas, il y a plein de personnages que j'ai découvert dans cette série qui était cool. Et la deuxième, c'est Drax, qui est sorti en 2015. Qui est dessiné par Scott Hepburn et qui est écrit par Cullen Bunn et CM Punk. Et pour le design, ça ressemble un peu à du James Harren, donc c'est très... Il y a beaucoup d'énergie dans le dessin, c'est pour ça que j'avais choisi. Et le concept là, c'est que Drax a été, depuis le film, il a été un peu réinventé façon gros bourrin, un peu débile. Et là, l'histoire, c'est qu'il en a marre d'être avec les gardiens de la galaxie, ils font rien d'intéressant, et donc il a décidé, je vais retourner à mon objectif de base, c'est-à-dire tuer Thanos. Et donc il se casse, mais manque de bol, il atterrit sur une planète où on lui dit... Il y a plein de voleurs qui veulent tous les objets technologiques dans la ville, personne ne peut les arrêter, aidez-nous. Et je crois que le sous-titre de ce bouquin, c'est le Drax, le pire détective de l'univers. Et c'est vraiment ça, c'est genre on prend un gros bourrin façon lutteur, enfin catcheur, mais genre stupide, et il a une enquête pour essayer de retrouver des enfants kidnappés, des technologies, des trucs comme ça, et il se retrouve à affronter entre autres Fin Fang Foom justement. Et c'est pareil, c'est super fun, c'est super barré, et ça va bien finalement avec le concept du gros dragon vert. Donc voilà, ça va être la première recommandation du coup. Ok, mais je crois qu'il y avait une référence à Fing Fang Foom dans un des films, je crois que c'est dans Iron Man 2 où on voit une espèce d'affiche avec marqué Fing Fang Foom. Ouais, c'est fort possible. Et, ouais. Et on voit un dragon quelque part. Donc ouais. Merci beaucoup pour cette chronique, et on va passer à la première pause musicale. Et comme on a binge-watché la nouvelle saison de BoJack Horseman avec Faye, je me suis dit il y a une musique dedans qui est vraiment cool, du coup je la récupère, et c'est Horse With No Name de Michel Branch, enfin la reprise de Michel Branch. Plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground that humans will give no more love. You see, I came through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, et c'était Horse With No Name de Michel Branch, donc la reprise qui était dans Michel Branch, ouais, c'est la reprise qui était dans la saison 4 de BoJack Horseman. Et, et regardez BoJack Horseman parce que c'est génial. Donc nous on va vous parler pas de cheval dépressif mais de Giant Days. Et qui c'est qui faisait, je crois que c'est Romain qui faisait, je crois que c'est moi, ouais. Donc, je fais Kirby chez Marvel, je crois. Non. Ouais, c'était la semaine dernière, ça. C'est la semaine dernière. Oh merde, tu peux, et tu fais d'ici toi. Bah, c'était vachement bien. D'accord. J'y vais ? Vas-y. Allez, moi j'ai fini, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va parler de Giant Days. Je parle très mal anglais, c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y. Du coup, je vais franciser les noms. D'accord. Donc, ça, ce sera Esther. Bonjour Géant. T'as pas le nom québécois ? Ouais. Non, j'ai pas le nom. Grand jour, donc. Vas-y. Et c'est l'histoire de trois personnages de trois jeunes filles. Tu ne lis pas du tout la quatrième de couverture. Non, je ne lis pas du tout la quatrième de couverture. Pourquoi tu ne lis pas ta fiche ? Je lis ma fiche mentale. Et donc, c'est trois jeunes filles qui rentrent à l'université, qui sont en première année, et qui se retrouvent en coloc. Donc, il y a Esther, moi je vais être très français, Esther, Daisy et Suzanne. Heureusement qu'il a fait les... Ouais, j'ai une malédiction, moi j'ai lu en VO et je ne retiens pas les noms en VO. Ok. Voilà, donc comme ça. J'ai besoin d'un petit peu d'aide. Donc Daisy, c'est la fille qui est un petit peu allumée, un peu la tête dans les nuages et voilà, qui plane un peu. Elle est en cours d'écriture, je crois, elle fait un truc de littérature, je crois, à la fac. Il y a Esther. Elle, je sais pas ce qu'elle fait à la fac d'ailleurs. C'est de la poésie. Poésie bizarre, elle est mi-gothique, plus gothique. La littérature anglaise, je crois. Non ? Après, aux États-Unis, tu choisis pas ton cursus. Mais tu c'est choisis en tes cours. C'est en Angleterre. Ouais, ouais. Ah oui, tu vois. C'est à Londres. J'ai lu, hein. Promis. Et. Ouais, c'est à Londres. Non, puisqu'il y a un personnage qui a une moustache, donc ils sont en Angleterre. Ça et la coupe, et la coupe, ouais, des Beatles. C'est, ouais, ça c'est comme ça que tu t'as. T'as pas vu Wonder Woman ? Ah oui. Moustache, Londres. C'est facile. On peut pas se tromper. Alors, Johnny, il est anglais ? Non, parce qu'il a le bouc. Ça peut être américain aussi. The fuck ? Tu vois, regarde Iron Man. Quand tu fais le tour de la bouche, d'accord, tu peux être américain. Et donc, il reste Suzanne, qui est la fille qui est assez terre à terre. Ouais. Normal, je dirais, une fille. En plus, qui a l'air tout à fait tranquille jusqu'au jour où elle recroise son ex, ouais, qui est un vieux monsieur à moustache, mais jeune. Il a juste les cheveux un peu gris. Il a les cheveux gris et une moustache, mais il est jeune. Il a quand même 20 ans. Et voilà, ça va un peu chambouler sa vie, surtout qu'elle le déteste pour une raison qu'on ignore pour l'instant. Je sais pas si et voilà. Dévoilé après. Et du coup, l'histoire se déroule comme ça. Il y a Esther à qui il arrive toujours des tas de trucs étranges, puisque c'est une drama queen. Elle a une espèce de champ de force force de drama. Ah, pardon. Ouais, pardon. Il n'y a pas de sabre de... Et du coup, à chaque fois qu'elle a besoin ou que la ville s'ennuie un petit peu, il lui arrive des trucs assez étranges. Ok. Et bizarre. Est-ce que tu as aimé voilà. ce titre? Oui, moi j'ai bien aimé. J'ai pas lu beaucoup de, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Est-ce que j'ai bien aimé? La première page était bien. Non, mais j'ai lu 3 ou 4 issues. Et ouais. ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, c'est des petites histoires un petit peu indépendantes, mais t'as des petits morceaux qui vont revenir plus tard, qui vont t'annoncer ouais, en fait le chapitre d'après, comme le coup où elle tombe malade, etc. T'as des petits trucs assez sympas comme ça. Et puis c'est assez frais, c'est bien. Est-ce que quelqu'un va enchaîner? Est-ce que quelqu'un veut me sauver? Non. C'est bien. Pardon. Oui, c'était quoi ta question? Est-ce que t'as un petit avis sur le titre, sur le scénario surtout? Oui. On parlera du dessin après. J'ai beaucoup aimé, je trouvais ça. Les persos étaient vraiment bien écrits, elles sont toutes un peu faux-folles, mais on se reconnaît dans ces personnages féminins. Les personnages sont plutôt bien caractérisés. Voilà, moi j'ai bien rigolé. Le scénario c'est vraiment sympa, il y a plein de thématiques qui sont traitées de façon intelligente, comme par exemple le sexisme. À un moment, il y a une histoire où il y a un côté un peu. Ça me fait penser au film sur le mec de Facebook là. C'est avec le network. Site qu'il avance. Ouais. Bref, donc il y a un truc comme ça, et ça parle de sexisme, de harcèlement et tout, mais c'est fait de façon intelligente. Il y a des choses assez drôles, donc c'est bien. Ça m'a fait un peu penser à l'ambiance de la série que je t'avais parlé, là, qu'on avait ensemble, Sweet Vicious. Ah oui. Il y a oui. un peu ce ton-là, et puis il y a un côté un peu collège foufoufou. Des fois, elles partent dans des conneries dans leur tête et tout, et voilà, moi ça m'a fait rire, j'ai passé un bon moment, et finalement, ben, j'ai lu plus que ce que tu avais demandé. Ok. Beaucoup plus loin, voilà. En fait, tu as pris les issues que Romain devait lire. C'est ça. De quoi? Non, rien. Non. C'était une vanne nulle. Ok. Est-ce que tu m'as dit plusieurs issues? J'ai lu plusieurs issues. D'accord. quelqu'un veut enchaîner sur le scénario? Juni, Romain, Mathieu. Ah, Mathieu aussi. Romain. Non, oui. Alors moi, je m'attendais pas tout à fait à ça. Ça visiblement, d'après la dernière de couverture, c'est vraiment des tranches de vie et ça allait pas totalement parce que t'as 2-3 trucs, ouais, un petit peu décalé, un petit peu plus funky, un petit peu plus barré même. Enfin, la petite qui se promène avec un oiseau à moitié mort dans sa poche ou l'autre qui fait une alu à cause de la fièvre et qui se croit sauvé par un cercle mystique. Bon, c'est funky, mais voilà, c'est pas forcément hyper réaliste. Mais en fait, c'est agréable parce qu'une fois que t'as passé ce cap-là en disant bon, en fait, je lis un truc détendu, bah oui, c'est assez cool. Ce que je regrette un petit peu, c'est que à un moment donné, il y a. Je trouve les personnages qui manquent un tout petit peu de profondeur. Pourtant, t'as deux trois scènes vraiment, vraiment bien. Notamment, t'en as une, c'est Suzanne, je crois, qui raconte un mini flashback qui dit qu'en fait, après le lycée, où elle a eu des cours de ferronnerie, donc bon, ça va être un bac pro, j'imagine, elle a dû travailler et après, elle a repris la fac. Mais c'est juste, c'est à peine dit et c'est dommage parce que du coup, ça fait un espèce de dramaturgie sociale derrière qui était pas mal. C'est Suzanne le personnage un peu profond. Les autres sont vraiment plus déconnes. Et du coup, je trouve qu'on s'identifie plus à ce que au truc de Suzanne que ouais, bah, perso sont complètement délirants. Après, on voit que le perso veut pas trop parler de cette époque-là, donc elle passe vraiment très très vite. Et je pense que si on continue à lire, au fur et à mesure, on va en savoir plus. C'est dommage parce que moi, sur le truc que j'ai reproché, c'est un peu ça, c'est que j'ai trouvé les persos assez vite pas ouais, c'est bien caractérisé, mais ça reste. Il y avait moyen de faire plus. T'avais la petite, la première Daisy. Non, ça existe. Celle qui a les grands cheveux. Voilà, ouais, qui à un moment donné dit, alors qu'elle est complètement défoncée par le rhume, je peux pas rater ce cours parce qu'il me coûte trop cher, il faut que j'ai mon année. Enfin, il manque un petit peu ce côté-là, un poil réaliste, mais au final, ça reste quand même très agréable à lire. Effectivement, comme disait Faye, t'as pas mal de thématiques sur le harcèlement, sur la drogue, sur ce genre de choses qui sont faites avec pas mal de légèreté. Donc t'en parles, mais avec de la légèreté, c'est plutôt cool. Et puis, si je dis pas de bêtises, t'as un webcomics à la base, et non, en termes de dynamique, ça se voit, je trouve vraiment. Tu t'ennuies pas, ça s'enchaîne bien, t'as pas le côté artificiel de fin d'un story arc, début du prochain, nouveau méchant, enfin un truc comme ça. Quoi. Ouais, c'est les trucs à la mode, c'est un webcomics qui a été redessiné pour la publication papier. Et ouais, pour le coup, petit comics en prise de tête qui se lit bien un samedi après-midi au soleil, ça passe plutôt bien. Ok, Johnny, t'as un petit avis je crois que j'ai développé une addiction. J'ai commencé à lire le truc en me disant bon, ça a l'air relativement cool et frais, coloré, machin. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que là aux États-Unis, ils ont sorti, enfin en Angleterre, je sais pas trop où il a publié ce truc. Ils ont sorti une 30 numéros et je les ai tous lus, alors qu'on était censé en lire 5. Et pour le coup, tu commences, enfin en tout cas, j'ai commencé la BD en me disant bon, ça va être relativement tranquille. Et en fait, les persos sont tellement bien campés, tellement bien mis en scène, etc. Il y a tellement de découvertes au fur et à mesure que c'est ça en fait, tu suis juste la vie des persos et c'est super tranquille, c'est super chaleureux. Il y a un côté en fait où tu y reviens parce que ça fait juste du bien en fait de lire le truc. Et toutes les informations sur les personnages prennent leur temps pour arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre au fur et à mesure du temps. Il y a, je crois que c'est Suzanne dont on découvre ne serait-ce que la tête de ses parents très tard dans l'histoire. Et à tel point que j'ai même eu une réaction en disant ah mais c'est vrai, elle a des parents, enfin elle est bien censée avoir des parents pour exister. Et en fait ils prennent leur temps, mais comme il se passe toujours plein de choses et qu'elles ont toujours plein de trucs qui se passent dans leur vie, t'as pas vraiment l'impression d'avoir des trous, que ces trous en fait sont majeurs, parce que de toute façon le scénario tourne pas autour de ça dans le moment présent. Toutes les informations dont t'as besoin tu les as. Et là où ça devient assez fort aussi, c'est que ça se centre pas essentiellement que sur elle au fur et à mesure que l'histoire avance, au-delà du premier tome en tout cas. Ça se centre un peu plus sur les persos secondaires, en particulier les personnages masculins qui prennent de plus en plus de place et qui sont pas traités. Comment dire? Là, comme ça, rien que de mémoire, je peux parler de incontinence. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ouais, t'avais mentionné les problèmes de drogue. Il y a un personnage qui découvre qu'elle est potentiellement, peut-être, mais pas sûre, gay. Et ça c'est pareil, elle a toute une réflexion sur le sujet qui était plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y a les problèmes des parents, comment ils gèrent un divorce, etc. Enfin c'est vraiment des problèmes de la vie de tous les jours de n'importe quel type de personne en fait. Et c'est géré avec une manière de faire qui dit bon, c'est un problème, mais c'est pas très grave en soi. Et il y a une espèce de distance un peu chaleureuse et calmante, j'ai envie de dire, qui dit c'est pas grave. Un peu comme un gros nounours qui te caresserait la tête en disant vas-y, c'est pas grave, profites-en, tu peux trouver un peu d'humour dans la situation. Du coup, tu contredis ce que disait Mathieu au niveau de la profondeur des personnages. Sur la longueur, c'est progressif. Mais après, c'est vrai que c'est pas un bouquin qui existe pour refaire de l'étude de personnalité hyper poussée, quoi. Donc, c'est le but du bouquin et pas de dire regardez la profondeur de la psychologie de Désir, regardez comme elle est complètement barrée, etc. C'est plus simple que ça, mais c'est pas simpliste pour autant en fait. Et Jordan, vas-y. Ouais, moi, si tu remets dans le contexte, en fait, c'est trois filles qui se connaissent à l'université. Ouais. Moi, quand je suis à la fac, je raconte pas toute ma vie avec des flashbacks et ils ont quelques détails, et c'est exactement le même principe qui est utilisé dans la bande dessinée. Là, d'avoir juste une page qui raconte qu'elle travaillait avant les études. Bah, c'est un petit détail que tu vas donner à des moments et tu vas passer à autre chose, parce que ce qui est important c'est le présent, ce que tu es en train de vivre là avec tes amis. Moi j'ai vraiment apprécié aussi cette lecture là. Après je trouve que c'était... Après il faut voir aussi le public que ça vise, parce que là c'est considéré comme un comics pour adolescents. Ouais, donc oui, c'est oui. Pas, voilà, c'est pas non plus, on n'est pas le public forcément visé aussi à la base. C'est pas pour un vieux ça me fait penser à Dawson. Qui est fan de Star Wars. Ouais, j'avoue. Ouais, il y a un petit côté teenage. Ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est Dawson. Enfin, c'est pas... Dawson, Community, Girls, ouais. Tu secoues et t'as là. Dawson est plus dramatique que ça. Bon, pour avoir maté tout Dawson environ 4 fois dans ma vie, Dawson a souvent tendance à provoquer des disputes pour tout et n'importe quoi. Ça, c'était plus tranquille. Et d'ailleurs, j'ai découvert totalement par hasard hier soir le sens du nom du bouquin. Ça s'appelle, ouais, Giant Days, parce que l'auteur s'est dit quand t'arrives à l'université, ta première année, c'est que des découvertes, c'est que des trucs que t'avais jamais vu avant, c'est que des choses que t'avais jamais fait, et tous les jours justement ont l'impression d'être géants parce que c'est que des trucs que t'avais jamais été exposé avant. D'où le nom, voilà. Et genre, est-ce que tu me parles du dessin un peu? Ou oui, pas du tout? Bien sûr. pas du tout. Le dessin, bah, ça se voit déjà que c'est... Enfin, je savais pas que c'était un webcomics, parce que je t'avoue que j'ai pas fait de recherche sur la BD, je n'ai fait que la lire. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Mais on est sur un dessin assez simple. Moi, ça me rappelle, c'est un peu ce qu'il y a entre Scotty McYoung avec son I Hate Fairyland et Lumberjane. C'est un dessin qui fonctionne. T'as à des moments des trucs un petit peu psychés, justement, quand t'as la fièvre, il part dans des délires où elle arrive avec une robe gigantesque et tout. Moi, j'ai bien aimé. Mais non, c'est pas... je pense que le dessin justement correspond au public, c'est pour ça que je voulais le rappeler. C'est un dessin qui vise pas des gens qui lisent du Deloto, clairement pas. On va avoir une lecture tranquille, donc on va avoir un dessin qui est posé, qui est... Enfin, je sais pas comment le décrire. Que... Voilà, c'est ça, c'est mignon, coloré, parce qu'il vit dans un monde mignon et coloré. Bah là, ça aurait pu être du franco-belge, limite. Clairement, ouais. Ouais. Bah, y a pas mal de comics qu'on a, nous, du côté franco-belge à la boutique, où bah, c'est parce que ça ressemble à du franco-belge et ça plaît au public franco-belge. Puis parce que c'est beaucoup de colorisation en clair-obscur, t'as pas de nuances, t'as pas de dégradés énormes comme chez DC et tout. Donc c'est ouais, ça fait. La dessinatrice a bossé chez Disney, donc de avoir deux trois. Mais moi, ouais, c'est marrant quand j'ai lu ça en termes d'ambiance du dessin, ça m'a rappelé un peu des séries comme Martin Mystère, tu vois, ou Total Spy, où il y a vraiment un mélange de plusieurs cultures différentes, ou plus sur Martin Mystère, où des fois on a des côtés un peu délirants et tout. Et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, ça ferait une bonne série animée, pourquoi pas. Ouais, je me suis fait la même remarque. Cela dit, je suis pas sûr que je voudrais que ce soit une série animée. Parce qu'une série animée, là, c'est pareil, c'est une question de public. Oui. Parce qu'aux États-Unis, ils vont essayer de viser quand même plus les jeunes. En France, on le voit clairement qu'on vise que les enfants. Donc en série animée, je suis pas sûr que ça marcherait. Ça serait agréable à regarder. Il faudrait que ça soit sur Netflix, par exemple, on reprend le cas de BoJack Horseman, qui est une série animée, mais qui a beaucoup de thématiques intéressantes, qui peut plaire aux ados, aux gens un peu plus adultes. Ah, moi, je montre ça à mes enfants, il n'y a pas de problème. Yep. Ça m'étonnerait. Mais un bouquin comme ça, si jamais il l'adapte en série, ce serait, à mon avis, plus du live, parce qu'ils vont se dire, c'est pour les adolescentes, et donc on va faire un truc avec plein de beaux gosses et plein de belles gosses. Genre Riverdale ou un truc. Je suis sûr qu'il n'y aurait même pas la moustache. C'est fort possible qu'il l'enlève. Et du coup, c'est peut-être pas un peu réducteur parce que c'est des filles qui. Enfin, c'est non, je te donne leur mentalité de ceux qui feraient la série, tu vois. C'est la logique qu'ils utiliseraient. J'ai pas dit. Enfin, après. Non, mais je partais sur autre chose, excuse-moi. Ah, vas-y. Donc, vous parliez de public tout à l'heure. Est-ce que c'est un comics qui. Bon, après, je vais me faire traiter de sexiste ou quoi que ce soit, mais est-ce que ce serait un comics qui pourrait faire à des filles qui lisent pas de comics justement en disant tiens bah tu veux découvrir le comics, tu sais pas par ou quoi commencer, lis ça parce que ça va peut-être te parler un peu plus que Spider-Verse ou pas forcément que des filles hein. Moi je pense que même à des fans de Disney, tu as un mec qui regarde Gravity Falls, qui regarde qu'est-ce qu'on a encore, Steven Universe, etc. C'est un truc qu'il pourrait lire. Il y a cette ambiance là, tu vois, donc non, c'est oui, c'est un bon truc pour commencer le comics si on n'est pas à pied dedans, mais ça marche pas que pour les filles. La cible a l'air définitivement, enfin la cible d'origine on va dire, a l'air définitivement féminine et d'un certain axe âge particulier, mais ouais, c'est typiquement un truc, disons que c'est dans la pratique, ça plairait plus aux gens, indépendamment de est-ce que c'est un garçon ou une fille, ça plairait aux gens qui aiment les trucs un peu chaleureux et mignons comme ça, quoi. Ouais, je pense pas que ça soit forcément une bonne intro aux comics, parce que je vois pas comment est-ce que les gens pourraient enchaîner avec le Punisher ou Secret Wars derrière. Bon, après, c'est progressif. Non, mais après, tu fais Lumberjane, tu commences à t'intéresser un peu au fantastique, et après, tu. Ça reste quand même plus typé, ouais, pas franco-belge, mais c'est assez éloigné d'une certaine industrie, mais ça enlève rien après au style. Ça casse au moins les stéréotypes. Oui, par contre, après, tu peux éventuellement partir sur le fait que c'est un comics et que les comics c'est pas juste des types en spandex et qui se foutent sur la gueule toute la semaine avec un méchant tiré par une grande roue. C'est pas faux. Après c'est progressif, que j'ai commencé avec le journal de Mickey et de Mickey je passais à genre Spirou et Spirou je passais à... Qu'est-ce qui passait à la télé? En même temps facilité avec Dragon Ball et tout forcément, mais tu passes d'un truc à l'autre quoi, et au bout d'un moment ton goût se développe. Après ce qui était bien à l'époque à la télé, c'est qu'il passait à peu près n'importe quoi, du coup tu pouvais faire ton enchaînement, t'enchaîner Sailor Moon et Quel c'est, survivant. C'est pas mieux aujourd'hui. C'est encore plus n'importe quoi, mais il y a... Tu passes de petit Nicolas à Wok, vraiment. Ouais, c'est ça. Entre temps, t'es passé sur un épisode de Marvel, d'Iron Man, et en même temps sur les Total Spies, et tu fais quoi? C'est bien, c'est hétérogène. Oui, c'est bien. Du coup, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié ce que je voulais super. Dire. Ah oui, si. Je voulais parler de l'objet en me disant, moi je trouve que l'objet BD de Aquilio, c'est pas mal. La couve, ça à moitié souple, à moitié. Enfin, je trouvais ça sympa. En plus, ils l'offrent à 10€, ce qui est pas excessif. Et ils le vendent. Oui, ils le vendent. Ils l'offrent à 10€. Ils te l'offrent en échange. Ils l'offrent, mais tu leur donnes des sous. Hein. Voilà. Non, mais c'est comme ça qu'ils vendent le truc en fait. Ils jouent avec les mots. Ils l'offrent à 10€. Du coup, les gens retiennent offre et dans leur tête, ils vont fuite pas. Du coup, j'allais dire ça, mais Johnny m'a cassé mon tout à l'heure parce qu'il disait que le lettrage était pas génial. C'est mon seul bémol pour la version française. C'est la police et la taille des lettres. Et comment dire, dans la version originale, parce que j'ai lu en anglais, bon, les dialogues, enfin, c'est j'en ai parlé avec un Britannique qui m'a dit c'est quite British, donc c'est extrêmement britannique dans la façon dont c'est écrit. Donc l'humour est très britannique, et ça c'est un truc que dans la traduction tu peux juste pas retranscrire toujours, c'est normal. Par contre, mon seul bémol niveau fabrication, c'est que la police d'écriture est genre la police basique, alors que dans la version originale, il y avait vraiment un travail pour faire correspondre la police d'écriture avec le dessin. Là, la police est un peu... Enfin, c'est un peu comme s'ils avaient pris la première police qu'ils avaient trouvée, et comme elle est microscopique, c'est un peu, ça jure un peu avec la page. Mais Jordan, c'est un détail, quoi. Jordan. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que la police est un peu problématique, mais pour avoir une couverture semi-souple, on a les 4 premiers chapitres, ça coûte 10€. Ouais. Ça coûte pas 10€ sur un temps donné, comme quand tu commences une série sur Urban, ça va être chaque tome 10 balles. Ah, même le deuxième est à 10€. Ouais, le deuxième sera aussi à 10€. C'est comme les Power Rangers chez Glénat ou qui sont à 9,90€ chacun. Ça va être le même principe. Attention, donc... ici on fait l'apologie du kiosque de chez Urban. Hein. Oui, oui, je attention, sais. On est très urbain. J'ai rien attention. Dit. Non, mais je te parle des. On est très urbain. Des offres qu'ils font assez souvent. Mais voilà, moi je trouve que l'objet pour ce prix-là, il est tout à fait correct. Hein. À 10 balles, il y a une époque où t'achetais des bandes dessinées souples qui s'abîmaient et. C'était pas top, là au moins je trouve que ouais, ça tient le... Excusez-moi. Mais pas que Panini, les Tintins, les Spirou, les machins qui coûtaient 5€ parce que c'était en couverture souple, c'était dégoûtant. Non, là c'est un désolé, bel objet. J'ai acheté mes tomes d'Akira à 40 francs, ils sont couverture rigide, il y a 300 pages par volume. Et elles sont toujours là. Ils sont toujours nickel. Ok, est-ce qu'on fait un petit tour de table, est-ce que vous allez, est-ce que vous allez acheter le tome 2 déjà, et est-ce que vous avez envie de lire la suite? On va commencer avec Faye, qui n'a pas de micro, vas-y. Bah, comme Junie, j'ai déjà lu la suite en fait en anglais. Ok. Bon, et bah... donc je recommande parce que c'est est-ce très est-ce que tu drôle. Veux continuer? Bah oui, s'il y a une suite, je continue. Hein. Ok. Romain? Non. D'accord. Non, je suis très pris par beaucoup d'autres lectures. Donc. Ok, ce sera pas ta priorité. Ouais, puisque j'aurais continué sûrement en VO, mais en VO c'est assez difficile. Il y a beaucoup d'argot, je trouve. Ah ouais? C'est pas si évident. Julie? Ouais, moi je vais continuer. Je suis bah, comme j'ai dit, j'ai développé une addiction. Et ça me fait le même effet que Deadly Class en termes de joie, ou Super Sons en termes de joie quand ça arrive. Et enfin, chacun pour des raisons différentes. Mais ouais, ça fait juste plaisir en fait. Donc je vais atteindre le stade où je vais acheter tous les tomes que j'ai lus en anglais. Je vais les prendre sur une plateforme, je sais pas où. Et puis les avoir dans mon étagère et les filer à toute personne intéressée. Ok, Mathieu. Alors moi j'essaierai bien la VO avant de trancher, parce qu'effectivement j'ai pas pensé à ça comme ça, mais si c'est très british ça doit être un peu plus intéressant, un peu plus différent en VO. Après pas forcément, je ne lirai pas forcément la suite, par contre ça fera un cadeau sympa effectivement pour quelqu'un qui connaît pas forcément, qui a envie de se mettre un peu à la BD, ça peut être bien, donc puis comme ça moi il achètera la suite, je lirai. Faye, tu voulais réagir je crois, non, non. Oui. Enfin, je veux dire, ce qu'il disait Johnny, c'est que quand tu lis ça, c'est un peu, tu te sens bien comme quand tu regardes un épisode de Friends, tu vois, où tu retrouves des potes, où tu es dans un univers où tu te sens dans un petit cocon, et c'est vrai que c'est pour ça que ça donne envie de revenir, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Tu les connais à force. Hier soir, j'en parlais avec un pote, justement, enfin, je fais la pub de ce bouquin, et je lui disais, on parlait du fait qu'il fumait, et je lui parlais d'un des personnages du bouquin, justement, qui fume, mais genre en permanence. Et il y a un moment dans le bouquin, dans la série, où elle arrête de fumer parce qu'elle est malade, et dans mon cerveau, étant donné qu'ils avaient tellement bien installé le fait qu'elle fume et tu les connais comme personne, quand je me suis rendu compte qu'elle avait arrêté de fumer, je me suis dit oh purée, elle va mourir. Et tu développes des trucs comme ça parce que tu connais leurs habitudes, tu connais leur mode de vie, leur petit comment on appelle ça en français encore, leur manie. Ouais, voilà, leur manie. Et du coup c'est un peu des potes, comme elle dit. Ok. Jordan? Ouais, moi je vais la continuer la série, mais c'est pareil pour le truc de quand j'ai des potes à la maison qui veulent se poser pour lire un truc, je peux le conseiller assez facilement. C'est un truc que je vois bien mon gamin quand il sera un peu plus grand de lire, quand il aura 10-11 ans, parce qu'en vrai c'est pas... J'espère qu'il aimera la BD à cet âge-là, sinon c'est un investissement lourd que je fais là pour l'avenir. Mais voilà, non, c'est je vais les continuer après, peut-être en VO, je verrai. Ok. Et je vais finir sur si vous connaissez pas la chaîne de Casabule, allez jeter un coup d'œil, parce qu'ils avaient fait une petite review du titre et ils parlaient un peu des autres titres du même auteur. Je sais plus quel est le scénariste. Apparemment c'est un univers partagé, les autres sont dans le même univers aussi. Non, il y en a deux autres. Je crois Esther a une préquelle sur une histoire d'amour avec qu'elle a eu, et enfin il y a pas le lien avec le comme un vrai univers partagé, mais vous pouvez retrouver les personnages. Je trouve ça assez cool. Donc voilà, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, c'était Giant Days chez Aquileos pour 10€. Franchement, le petit truc de fraîcheur sympathique du mois, vous pouvez y aller. Bon, on va finir sur ça. Est-ce que quelqu'un vous a une petite reco à faire avant la fin de l'émission? Ouais, moi j'ai lu le American Alien Superman. Ouais. Je le conseille, mais surtout pour les chapitres très humains, en fait. Tout le côté super-héros, ça m'a fait chier. Mais je trouve qu'il y a vraiment 2-3 chapitres sur les 6 qui sont... Ouais, il doit y en avoir 2. Donc il est sorti la semaine dernière. Il est sorti la semaine dernière chez Urban. Ouais. Et je vais faire l'inverse aussi, un déconseil. Ils vont sortir un comic, ils vont faire de la com de Lewis Trondheim qui s'appelle Density. Alors ça, vous y touchez même pas. D'accord. C'est particulièrement mauvais. Voilà, c'est une espèce de Kitty de X-Men qui va devoir essayer de sauver la planète des extraterrestres. Ok, donc Mathieu, est-ce que tu as une reco à faire? Non. Non. Exceptionnellement, non. J'allais dire Wakfu, mais je vais me faire crier dessus. Non, tu peux dire Wakfu si tu veux. Vas-y, dis-le. Wakfu. D'accord. En plus, c'est la dernière saison, la fin, dernière semaine. La dernière semaine, 4 épisodes. T'en as parlé la semaine dernière déjà. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Ouais, mais les épisodes qui sont sortis ce week-end-là, et on les conseille aussi. Ouais. D'accord. Romain. Il y a le tome 6, je crois, de Jojo Lions qui vient de sortir. Okay. C'est Jojo's Bizarre Adventure, c'est toujours aussi bien. Ok. Faye. Bon, moi je conseille Leia, Princess of Alderaan de Claudia Gray, qui est juste très bien. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit au niveau du nouveau canon. Il fallait une référence. Non, mais elle maîtrise trop bien Leia, je pensais pas pouvoir aimer encore plus le perso. Voilà. C'est la même meuf qui a fait Bloodline. Qui a fait Bloodline, que je conseille, qui est sorti en français. Donc si vous l'avez pas lu, faut le lire. Ok. Et moi j'en ai parlé tout à l'heure, mais BoJack Horseman, franchement, si vous n'avez pas vu BoJack Horseman, c'est génial. Et voilà, on va finir sur ça. Je rappelle quand même que ce week-end, vous pouvez aller à la Comic-Con, c'est à Lyon. C'est organisé par l'association BD Ciné Goodies, qui, comme vous l'avez entendu, fait vraiment que des trucs bien, puisque aussi le FCBD, c'est génial. Si vous voulez y aller, c'est le 16 et le 17 septembre à l'espace citoyen de la mairie du 8e de Lyon. L'entrée est à 5€. Et je pense que si vous êtes dans le coin, 5€ c'est rien du tout, donc vous pouvez y aller, vous verrez plein d'artistes super cool. Et on va finir avec une chanson choisie par Jordan, c'est Too Old To Die Young, donc tiré de la BO de Django Unchained, et c'est Brother Dage. God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Round and round, round we go. What stops? Nobody knows it. Side to side, baby, down in the hole. God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. The good Lord might lay me down.